hors de la norme. Monstre de foire non conforme, monstre de foire non conforme, interdit de volupté, privé de sensualité. Lui qui m'a mutilé, s'il veut être équitable, qu'il aille sans état d'âme frapper de cécité une à une les femmes que j'ai désirées. J'ai traîné mon ivresse en honte et sans pudeur, camouflé ma tendresse sous des monceaux de leurre, dans le froid des amours tarifés sur des lèvres inconnues, mécaniques et glacées. Mal esquive malmenée par le flot de la haine, esprit manipulé par le chant des sirènes. J'ai navigué sans cesse pour tenter d'esquiver vos vagues de maladresse, vos attaques ciblées. Je m'en remets au diable, lui qui m'a mutilé. S'il veut être équitable, qu'il aille sans état d'âme frapper de cécité une à une les femmes que j'ai désirées. Sous les sourires perfides, cyniques et complaisants, sous la mitraille acide, des regards insistants, j'ai reçu en plein cœur vos salves de mes.